La merde, la merde. Y'a pas plus Triskel. J'ai pas de chance, c'est normal. J'ai perdu mon Triskel. Je parle de ma tristesse en sachant qu'il y a toujours pire. Je me pense à mes proches qui ont perdu leur père. Le monde pleure, mais on l'entend pas. C'est la racoule, son sang s'écoule. Même ses tours s'écroulent. On va pas dire que c'est cool, je m'y colle. Quand il s'agit de parler de ma peine sang, je picole. On me dit arrête de pleurer. Donc je rigole. Je vais pas dire que ma vie est remplie de soucis. Que je fronce toujours les sourcils et que jamais je souris. Mais y'a pas de sous, mec. Pas pour ça que je vais me soumettre. Je souhaite pas connaître la dèche comme Soueto. Donc je me lève tôt car le monde appartient à cela. Marc S pleure comme Solar, comme seule arme, sa plume et son cœur soldat. En espérant pas prendre une balle dans le thorax. Mais moi j'ai les mains dures comme Col Thorax. Ça sonne faux car personne aime. Solitaire comme moi, même en plein jour on avance dans le noir. On est là pour mes débuts, en commençant par le début. C'est du haut débit pour tous les débuts. On chante notre tristesse personnelle. Ça sonne faux car personne aime. Solitaire comme moi, même en plein jour on avance dans le noir. On est là pour mes débuts, en commençant par le début. C'est du haut débit pour tous les débuts. Rien à foutre si je déplais, ouais. Je sais très bien que pour vivre bien il faut que je paye. Il faut que je paye. J'avance doucement si je rate, c'est pour éviter de parler seul. La tête baissée, je préfère le sol. C'est peut-être vrai que je parais sale. On se met ma tête, mais bizarrement, depuis que je rappe, on me lance des compliments. Mais comme les coups, aucun m'atteigne. Que des compliments. Dans notre quartier, pratiquement aucun nous soutienne. Tout le monde veut nos sons et nous, que les souviennent. Tu vois le délire, le serpent qui se mord la queue. Mais comme à l'école, on suit le cours du rap. T'en connaissais la queue. Tu pousses pour ma tristesse, obligé, j'accepte. Je marche avec les miens, ma pas moi B en accepte. Une punition, c'est sûr, loin d'être clémente. On reste devant la porte, mais le hic. C'est quoi? C'est de la clémente, tu vas me dire, la vie est ainsi. Un cycle qui t'incite à couper les chines et rester assis. On chante notre tristesse personnelle, ça sonne faux car personne aime. Solitaire comme moi, même en plein jour, on avance dans le noir. On est là pour mes débuts, en commençant par le début. C'est du haut débit pour tous les débuts. On chante notre tristesse personnelle, ça sonne faux car personne aime. Solitaire comme moi, même en plein jour, on avance dans le noir. On est là pour mes débuts, en commençant par le début. C'est du haut débit pour tous les débuts. Dis-moi Marcus, pourquoi face à notre peine on est si faible? Je sais pas, mais grâce à elle on voit nos failles. La douleur je la connais depuis plus de 20 ans. Dis-toi les pleurs m'ont adopté quand les sourires m'ont dit va-t'en. Rien à foutre, moi j'écris dans le métro. J'attends celui qui voudra me la mettre haut. Je vais pas dire je suis le maître pro, mais décisif dans tous les cas de mesure. Je pousse sur 16 et même sur 4 dis-toi mesures. Dis-toi que dans ce monde où t'es parachuté, j'ai appris que sans repère tu finis par chuter. Malheureusement encore un feat avec ma tristesse. Normal qu'on m'appelle MC qui pleure vu que ma vie me teste. Je dérive plutôt je me dirige vers le même but. Écœurer tous ces bâtards et toutes ces putes. Une tristesse perso, mais une fois fini t'inquiète. T'inquiète, on sera vite à percer. On chante notre tristesse personnelle, ça sonne faux car personne aime. Solitaire comme moi, même en plein jour on avance dans le noir. On est là pour mes débuts, en commençant par le début. C'est du haut débit pour tous les débuts. On chante notre tristesse personnelle, ça sonne faux car personne aime. Solitaire comme moi, même en plein jour on avance dans le noir. On est là pour mes débuts, en commençant par le début. C'est du haut débit pour tous les débiles. On chante notre tristesse personnelle, ça sonne faux car personne aime. Solitaire comme moi, même en plein jour on avance dans le noir. On est là pour mes débuts, en commençant par le début. C'est du haut débit pour tous les débiles. On chante notre tristesse personnelle, ça sonne faux car personne aime. Solitaire comme moi, même en plein jour on avance dans le noir. On est là pour mes débuts, en commençant par le début. C'est du haut débit pour tous les débiles. Pour tous les débiles, mec. Ouais.